élégie au génocide des nasopodes. En ces temps d'écologie, il faut le dire. Dans les années 1850, le professeur Harald Stumpke découvrit une île peuplée uniquement d'une grande et merveilleuse famille d'animaux, les nasopodes ou rhinogrades. Cette famille, inconnue parce que inexistante dans le reste du monde, put être observée pendant quelques années. Le professeur nomma ces créatures nasopodes ou rhinogrades afin de faire savoir à tous qu'étonnamment ces merveilleux animaux marchaient tous sur leur nez. Les petits nasopodes ordinaires n'avaient qu'un nez. Les grands nasopodes chanteurs en possédaient 64 avec lesquels, les soirs de pleine lune, ils improvisaient les musiques nuptiales. Et de 1 à 64 nez, il y avait chez les nasopodes tous les nombres, toutes les combinaisons, toutes les formes possibles de nez-pieds. Les nasopodes se montrèrent à l'observateur évoluer dans tous les sens, musiciens, chanteurs plus séduisants encore que nos grenouilles et wabarons. Leurs mœurs amoureuses étaient dignes de toute admiration et peut-être même d'envie. Malheureusement, un assistant du professeur Stumpke apporta sur l'île le mystérieux virus du rhume ordinaire, maladie que la science, en 6000 ans de tâtonnements et plus, n'a pas encore vraiment réussi à vraiment circonscrire, ce qui pourrait nous laisser croire que, de sa part, il y a mauvaise volonté ou, pis encore, cacheterie. Toujours est-il que la population entière fut entièrement anéantie. Ce grand scandale fut étouffé, bien sûr. Il est temps de le dénoncer, avant que nos grenouilles et wawarons ne succombent sous les coups fumeux des terribles skidous, qui sont un peu les symptômes, quelques-uns parmi mille autres, du gigantesque rhume mental dont souffre notre civilisation. Une élégie nous paraît, bien sûr, une arme adéquate et nous la voulons sans merci. Nous souhaitons que la grande plainte des nasopodes mourants vous soit pour tout l'avenir une incessante sirène d'alarme. Ancrée dans mon âme, telle des sourcils dans un front, telle est la vision, oh, l'indicible. Tenterai-je, pauvre moi, fébrile de la dire? Tenterai-je, pauvre moi, débile, de la chanter? Vision, inscrite dans le plus ému de mon cœur, comme une raison monacale sur un fuyant silence nocturne. Et briserai-je, saccagerai-je maintenant ce silence que la désespérance a enfanté, en tentant de dire avec de pauvres mots humains l'indicible, l'inaudible, l'invisible vision? Ah! Serti douloureusement dans le plus écrin de mes viscères, où la peine brille comme l'iceberg d'une larme, juste à côté du véritable cœur gros. Ha! Incrusté l'abominable vision dans mon oreille interne. Ha! Meurtrissant encore l'inénarrable vision, mon œil pinéal. Que dis-je? Saurais-je le dire? Murène de l'océan intérieur, qui me faites plus de mal que de bien, à l'aide, salope souveraine, cessez de masturber l'enfant poésie et aidez-moi à clamer la triste vérité. Pardon, l'atroce vérité. Cette vision, elle bourgogne dans mes glandes lacrymales comme un troupeau de villageoises vierges bourgogne le dur raisin d'Algérie sous la plante et toutes les fleurs de leurs pieds. Et oh, que ce vin de mes glandes est amer! Ah, mer de vin amer, mer vin aigre! Ah, vision qui affole mon cervelet! Trésor incomparable et incomparé de l'équilibre. Vision, maintenant me saoulant comme si je respirais l'amertume même dont même le sage se grise au moment suprême quand le grand canard noir de la mort vous prend sous son aile. Ô vision clapotant sourdement, tristement, tristement, sourdement, tristement clapotante. Dans mes courtes aortes agaçant mes maigres ventricules, c'est mon cœur qui se fait petit sous la déveine, comme on agace nostalgiquement une tétine que l'on connaît d'enfance et qui demeure là, à la base de votre cou, comme une petite mort en visite. Ah ! Incommensurable, détestable, inaliénable, épouvantable vision, remplissant la cathédrale en deuil de mon cerveau d'une musique que funèbre ne saurait qualifier. Que mortuaire ne saurait définir, que même cadavérique ne saurait dire. Une musique où, avant toute chose, une musique où le son lugubre de toutes les trompes, de tous les éléphants, de terre, de mer, d'ailleurs, et même le son surlugubre des trompes, des éléphants orphelins, le plus lugubre son des trompes de tout celui, des éléphants nés, des pères inconnus, éléphants de l'amour, en somme, se mêla au son inouï et quasi divin des conques se chiant de désespoir hors de leur coquille, hors d'elles-mêmes. Ah, comment vous rendre cet éclair luisant dans le ciel de la sonorité, tel un étron royal, dans la fraîcheur du réceptacle blanc, dans la blancheur du réceptacle frais? Comment vous rendre en mots qui ne sont que des chieurs de mouches? Comment vous dépeindre comme un peintre voudrait à jamais recommencer l'horrible tableau? Comment vous avertir que ces sons affreux de trompes et de conques s'éjectant dans le désespoir? Comment vous dire que tout cela n'était que le faible continuo d'une petite sonate qui ne faisait qu'annoncer une écrasante symphonie? Symphonie, oui! Où les aigles devinrent chauves pour s'être fait soudain en cri du cœur, cœur de sopranie du délire de tristesse. Où les crocodiles et les cocodrilles, les cacadrouilles et les couilledrues, les caïmans et les caïvrais, les alligators et les aliraisons, tous ces bons humides s'emplirent la gorge de véritables oiseaux afin de chanter l'accord insoutenable de la mélancolie originelle, pour ensuite emplir par centaines des valises, et des valises par centaines, vous dis-je, des valises noires et moirées comme des corbillards, pleins de récents écuries, des valises d'authentiques et véritables navigateurs, d'authentiques et véritables vallées de larmes vérifiées, vraies, par une pléthore de pleureuses, peules, qui n'ont pas peur de crocaïali, qui n'ont même pas peur des peaux dures des cocodiles. Symphonie de la douleur incarnée, où les hérons se suicidèrent discrètement en levant les deux pattes à la fois, s'écrasant alors dans un ricanement douloureux qui achevait de les achever, déjà étouffés raides par la méchante poussière ainsi soulevée. Où les cigognes, moins discrètes, couvrirent l'Europe, l'Afrique, les Amériques et toutes les autres bourgades de fausses couches dues à de véritables chutes et s'enfarougèrent la tête dans la cheminée la plus malsaine, donc la moins ramonnée, pour mourir piteusement. Le soleil se vidant en larmes de caramel fou de douleur sur leur beau derrière blanc, faisant de toute la terre un ciel rond, constellé de culs de plumes, secoué par les spasmes lents de la jante mort au réconfort final. Où les paresseux prirent des courses fatales, et le son de leur chute au pied des flamboyants fut le plus troublant coup de cymbale d'argent. Où les tamanoirs burent des carrés de sable, et moururent parcourus d'atroces douleurs, car le sable sous la glu brûlante des tamanoirs, vous le savez sans doute, devient vite du vert, et les tamanoirs, gloutons de souffrance, devenaient mal parmi la jungle verte d'éblouissants, de titubants vitraux vivants, d'où finalement jaillissait le sang geyser et arrosoir qui rendit les fourmis rouges. Et ô symphonie, la clameur mêlée des tamanoirs se déversant et des fourmis récipients, bientôt éclatant, produisait très exactement, et c'était effrayant, des sanglots longs, des violents. Où les tortues, en poussant des soupirs de folles, marchèrent sur leurs œufs, se jetèrent sur le dos, devenant tortures sous le soleil bourreau, et leurs cris s'harmonisant aux insultes du soleil à qui la cruauté monte toujours à la tête, formait le plus déchirant duo de hautbois et bassons qu'un pauvre humain ait jamais besoin d'entendre. Où les kangourous se jetèrent tous, sauf un qui était trop petit, dans le gouffre inconnu de leur propre poche. Et ce chouinement fut un grand clavecin de malheur. Où les poissons, en rang et par milliers, vinrent se noyer l'œil terne sur les plages de Floride, où la teneur en lotion a tanné le soleil est à dose mortelle, et le son des poissons empoisonnés le fait à jamais à votre existence. Qui, a entendu le dernier souffle du macro, le dernier mot de la morue, le hurlement de détresse du turbo dont les réactions sont fortes et émotives, surtout devant la mort, alors que la plie est bien souple et que le flétan se laisse porter. Par l'événement, qui a oui le nom à la mort que clament les crustacés ? Karan les clame et le bombardement d'imprécations blasphématoires que le homard Salas lance vers le ciel. Qui a reçu dans les oreilles les effluves sonores de cette section mouillée de l'orchestre de la nature? Qui? C'est moi. C'est moi qui l'ai oui. Et je vous cache le plus insupportable. Je prends sur moi, tel le dernier des justes de la musique mortelle de ce jour-là. Il prend sur moi 100 000 micro-sillons d'aubades horrifiques, de ballades éprouvantes, de chansons de total déboire et de lamentables lamentos. Je ne vous dis que ce mot. Symphonie, misérable symphonie par quoi la nature entière a pleuré. Où les baleines, dont le chagrin fut énorme, se rendirent complètement ridicules. Et après avoir couvert l'Arctique de morves désolées, de honte, n'eurent de cesse qu'elles ne se fussent trouvées à chacune cachalot, émettant ainsi le plus gros accro de contrebasse qui ébranla jamais l'auditorium terrestre. Où les lapins observèrent une heure de chasteté dont plusieurs moururent dans des transes effrayantes les plus abominables serments de gosses. Surtout les lapins québécois, mais tous en proie à l'insatisfaction sexuelle la plus moderne et la plus aiguë, et exhalant dans leurs rapides souffrances les plus bizarres et les plus paniques, lapins sont fils de pan, ululement, semblables à des flûtes champêtres, comme si un grand concours des faibles affolés se soufflait mutuellement dans le fifre, gazouillant ainsi la triste chanson du con de la rivière Couille. Où les Nasalis lavartus ne s'allèrent pas baigner. Et ce jour-là, vide fut la mer de Chine et de mémoire de cormorans. Chose la plus triste au monde que la mer de Chine, souffrante, soulignant, se faisant noire comme de l'encre. Pendant que les Nasalis lavartus, à terre, se tenaient le nez de tous leurs autres membres, pleurant plus fort que 100 000 saxophones acidulés. Et co-vision. Je n'en puis plus. Je ressens dans mon âme et dans ma chair, à cette simple évocation, une double plaie béante et presque bêlante que m'a laissé le cruel. La juste départ pour les lieux de broutage céleste, le troublant départ de mes petits frères en absurdité. Ah oui, qu'il était absurde de vivre, et combien plus encore de mourir. Ah, mes petits frères, vous le savez maintenant, et vous, fier nasopode, et vous, auguste rhinograde, oh mais je n'arrive plus à vous nommer tout octant de désarroi. Oh naso, oh pod, oh rhino, oh grade, Dieu que la terre manque le doux poids de vos nasales démarches, Dieu que l'air a besoin de votre musique jamais enchiffronnée. Oh naso, oh grade, vraiment, je n'en puis dire davantage. Mon hommage ne s'achève que dans l'épuisement. Et puis les larmes me changeraient bientôt en statue de sel et sans bière, ce serait insoutenable. Oh naso, souffrez que je me taise, il faut bien qu'aille enchanter le bar de Parthe. Oh suprême naso, sachez pourtant, sachez-le sans cesse, sachez que dans la fève cosmique sera ressentie l'absence cruelle du petit pois sublime. Qu'était la race nasopodienne, qu'était la race rhinogradienne. Et sachez aussi, sans cesse ceci, qu'en mon cœur où jamais n'entrera le repos, qu'au jour où je vous joindrai dans la contrée céleste, où à la droite, à la gauche, en haut, en bas, du Père, vous chantez ces louanges inimitables. Sonnera pour toujours le plus déchirant cri jamais poussé par la vie elle-même, la plus alarmante structure sonore jamais entendue par des oreilles humaines, l'incroyable éternuement collectif par où vos nobles vies s'en sont allées. Et ce grand bruit de l'innommable génocide a fêlé à tout jamais la petite statue de verre fragile en forme de fille toujours mûre. La petite statue de verre fragile, de ma petite joie de vivre sur la terre fragile. Comme une petite statue de verre en forme de fille, fille toujours mûre et fragile dans la joie de vivre, fille dans la joie de vivre de la terre sur la terre fragile, en forme de fille, toujours mûre, fille en forme de statue, fragile de ma joie de vivre sur la terre, de ma joie fragile de vivre fragile sur la terre fragile, comme une petite statue de verre en forme de fille, en forme de statue, fragile de ma joie de vivre fragile sur la terre fragile, fragile, fragile, fragile, fragile, fragile, fragile, fragile, fragile, fragile.